La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. C'est la chronique du football collégial. On sait qu'on parle avec les joueurs du Haut-du-Lac. La semaine passée, on a parlé avec William Saint-Pierre des Gaillards de Jonquin. Là, maintenant, on va parler avec un joueur recru qui est à sa première année. C'est le joueur de ligne Simon Grimard. Bon après-midi, Simon. Bon après-midi. Simon, tu joues pour t'évolues pour les Cougars de Chicoutimi. Comment tu trouves ça la première année? C'est sûr que c'est une adaptation. Passer de l'école secondaire au cégep, c'est de l'adaptation dans tous les domaines, là, que ce soit au niveau scolaire, parce que c'est un changement de cégep, et au niveau football aussi. Oui, c'est sûr que ça a été une bonne adaptation pour moi. Passer de la polyvalente des 80 au cégep de Chicoutimi, ça a été quand même pas trop mal, là, à cause on a eu beaucoup d'encadrement ici au cégep de Chicoutimi. On a des heures d'études obligatoires, notre coach est toujours là, on a une responsable aussi des joueurs. Donc c'est vraiment c'est très très bien encadré pour okay. pour le scolaire. OK. Puis au niveau du football? Au niveau du football aussi, là, on a des bons coachs qui nous aident, qui sont toujours là pour nous autres. On a des questions. On peut les texter, ils peuvent même se déplacer au cégep. Par exemple, je suis en résidence, j'ai une question à mon coach et il peut se déplacer sans problème pour venir répondre à mes questions. On fait des vidéos aussi, on fait des petits meetings là, entre coach de position avec nos coachs. OK, si on y allait maintenant avec du côté du match, là, est-ce que c'est plus du côté de la game, est-ce que c'est beaucoup plus rapide, j'imagine? Oui, c'est sûr que il y a eu un changement il y a eu une adaptation aussi à ce niveau-là. Mais tu sais, je me suis entraîné tout l'été fort 5-6 fois semaine avec une entraîneur privée pour vraiment comme améliorer ma rapidité puis mon agilité. Puis j'ai eu vraiment des grosses améliorations à ce niveau-là. Fait que on a eu des pratiques aussi hivernales pour s'adapter. J'ai vu que le niveau était vraiment élevé. Puis quand je suis arrivé au camp à l'automne en août, j'étais vraiment prêt. Mm. Puis je pense que ça s'est remarqué là, tout de suite sur le terrain. OK. Évidemment, tu es un joueur. C'est quoi ton but de joueur de football? Est-ce que c'est vraiment de faire une carrière ou d'arrêter l'université? Comment tu vois ça? Ben, je trouve que. En tout cas, je pense qu'il est vraiment tôt pour parler de ça, mais c'est sûr que j'aimerais ça me rendre loin. Mais on va mettre ça, tu sais, année après année, on va regarder les ouvertures, les possibilités. Puis je ferme aucune porte, c'est bien évident. Puis je vais aux saisons, je vais faire trois saisons avec les Cougars, si tout va bien. Après ça, on verra voir les opportunités universitaires, puis après ça, on verra pour le reste. OK, effectivement. Dans quel domaine que tu étudies? Moi, j'étudie en sciences humaines, gestion, en jeu et histoire et géographie. OK. Puis, ouais. Est-ce que tu as une grosse horaire? Est-ce que tu as jaugé ça avec, avec les études et ainsi de suite? C'est pas si pire. Je pense que j'ai comme 25-26 heures semaine. OK. Et on a des pratiques à tous les soirs, bien entendu, pour les matchs de la fin de semaine pendant la saison. Mais c'est pas si pire, ça faut que je rentre 2 heures d'études obligatoires là-dedans. Okay. Ça c'est pour ma première session. Donc après ça c'est ça là. Ça va très bien. On a comme je l'ai dit, on est très bien encadré. Puis s'il y a quelque chose qui fait pas, c'est une petite lumière qui allume, puis on a des intervenants autour de nous qui peuvent répondre à nos questions ou à nous aider. OK, effectivement. OK. Donc, comment tu trouves aussi l'équipe jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va selon tes attentes? Je crois que vous avez deux victoires jusqu'à maintenant. Trois victoires, deux défaites. Est-ce que évidemment Jonquin, ouais. c'est Jonquin, mais comment tu trouves ça du côté du rendement de l'équipe? Je pense nos attentes à date sont très bonnes. C'est sûr qu'on a échappé une victoire à Rimouski là qu'on aurait été capable d'aller chercher. Ouais. Mais on s'en sort tous les manches la semaine d'après. On travaille fort à chaque semaine. On a eu une belle semaine de congé la semaine passée parce qu'on était en bye week. Ouais. Ça fait du bien aussi, ouais, j'imagine. Ça fait du bien. Oui, puis on pouvait juste se concentrer comme sur nos études, mais c'est sûr que ça fait du bien au corps un peu pour s'attendre. OK. L'an dernier, tu as choisi Chicoutimi. Tu étudies à sciences humaines, donc c'est la point. La sciences humaines est offerte dans plusieurs cégeps. Pourquoi Chicoutimi? Oui. Mais dans le fond, au début, j'étais censé aller en technique ambulancière, donc ça se donnait juste au cégep à Chicoutimi. Mm. Par la suite, j'ai décidé de changer de programme pour aller en sciences humaines. Pourquoi j'ai choisi le cégep de Chicoutimi? Ben, parce que, premièrement, Nick Menacci était le premier entraîneur à m'approcher. Fait que, tu sais, il y avait déjà comme un gros plus en faisant ça, là. Puis après ça, il était très, on a visité les Jonquières, Chicoutimi. Alma, j'ai pas eu le temps, j'ai signé avant. J'ai quand même signé Bonheur Chicoutimi. Okay. Genre en décembre, je pense. Okay. Décembre passé. Fait que Nick était un bon vendeur. Ouais, puis aussi, tu sais, tout ce qui ça m'intéressait, les professeurs, j'avais rencontré un peu de professeurs puis de responsables autour de l'équipe. Puis c'est vraiment Chicoutimi qui m'a frappé, donc j'ai décidé d'y aller pour la recette gagnante. Ouais, c'est OK. Ben, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est sûr que c'est une grosse année pour toi d'adaptation, mais tu me disais que ça se passe bien. Donc, Simon, on va te souhaiter la meilleure des chances, puis on va sûrement se reparler un jour. OK, parfait, merci beaucoup. Voilà Simon Grimard des Cougars de Chicoutimi.